au National le 1er décembre à 20h. En primeur, voyez le duo de Dom Lebeau et Pascal Dufault, aussi Doriane de Doba Caracol, Amélie Larocque, DJ Brace, How Are You, DJ No et Our Book and the Others. Musaïque, le concert à bénéfice à ne pas manquer. Le 20 novembre prochain, soyez de la fête pour la soirée bénéfice de Jeunes Musiciens du Monde. Voyez au Club Soda Antoine Graton, Vincent Vallière, Bia, Yves Lambert, Stéphie Choc, Tricot Machine, Thomas Elmen, Apadouraï et plusieurs autres. Le 20 novembre prochain, offrez la musique en cadeau aux jeunes d'ici et d'ailleurs. Le spectacle Jeunes Musiciens du Monde au Club Soda, un événement à ne pas manquer. Billets en vente sur ticketco.ca. Une collaboration de Choc FM. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Il est seul. Mais l'est-il vraiment? A déplacé la Terre hors de son axe. Tu dois apprendre à conquérir, à aimer. Protéger. Et à tuer. Saloperie. Et dans un sordide monde souterrain, éliminer ses ennemis. Des tueurs, dirigés par un démon. Toi, tu vas le tuer. Il doit disputer sa planète dévastée au dernier représentant du mal. Alors dis-moi, Krag, physicien ou assassin, es-tu prêt à m'aider? Les enjeux sont élevés. Les chances sont faibles. Survivre est le mot-clé du jeu. Le survivant est celui qui gagne et reste en vie. On lui a délégué nos pouvoirs sur la mort. Salut ! Nous les avons perdus. Et à présent, que faire de toi ? Tu as cherché à me tuer. Revenant, il y avait longtemps. Tu connais Fillmore Street? Fillmore Street? Ah oui, alors quatre blocs plus loin, tu tournes à droite et c'est la troisième à gauche. Mais pourquoi Fillmore Street? J'ai hérité de la maison de mon oncle. Alors tu vas laisser tomber ta vieille baraque? C'est plus que sûr. Devine qui je viens de voir à l'instant. David Appler. Vous le trouverez à Fillmore Street. D'accord. Thank you. Ah, Raymond. Tout s'est bien passé, j'espère. Oui, il est mort. En es-tu bien sûr? Oui, patron. L'eau était rouge de son sang. On ne l'a jamais vu remonter à la surface, il n'y a aucun doute. Je tiens à voir ce cadavre, pour être vraiment sûr. Bon, je vais m'en occuper. Calme-toi. Où suis-je? Qui es-tu? Dave, mais qu'est-ce qui te prend? C'est moi, Charlie. Tu es sous le choc ou quoi? Écoute, j'apprécie beaucoup ton aide, mais... Dave, c'est moi, Charlie. Mais bon Dieu, qu'est-ce que t'es revenu faire ici? Mais t'es complètement dingue. Arrête. Je comprends rien à tout ce qui m'arrive. D'accord. Je vais te faire voir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ça s'arrange pas. Si tu te souviens plus, je vais te rafraîchir la mémoire. Tout a commencé comme ça. Une nuit, ta fiancée Barbara rentrait de son travail et... Liliane, on rentre chez ses parents. Mais regarde-nous, on est pas là. Mais toi, comme ça. Allez, viens, on y va. Allez, par là, viens. Mais tiens, pas de par là. On va le fermer. On va la coincer, là. Et tu sais rien de plus? Elle m'a dit de l'attendre. Je pense qu'elle va m'expliquer. Je comprends pas. Pourquoi me donner rendez-vous ici à 7 heures? C'est curieux. Ouais, t'as raison. Alors, ma Liliane, t'es née. Elle est surprise. Il m'a traité de fils de pute. Et je l'ai tué. Je me souviens pas de ce Dave. Ça y est, mon gars. T'inquiète pas de ça. S'il t'arrivait d'être inculpé, je te donne ma parole que tu ne resterais pas plus d'un mois en tôle. Pas. Moi, je te dis, je veux pas y aller. Voyons, Junior. Tu sais très bien qu'il est hors de question d'acheter les jurés. Cette ville n'aime pas beaucoup nos lois. Pas de police, pas de juge. Alors de temps en temps, montrons-leur que nous pouvons aussi être des citoyens respectueux de l'ordre établi. Si on ne peut acheter les jurés, on peut peut-être acheter les témoins, non? Fais donc confiance à ton père, hein? Dave, il y a quelqu'un pour toi. Je suis l'avocat Alan Miles et je représente John Marlowe Jr. Excusez-moi, j'ai du travail. Ce chèque vous permettra de pouvoir quitter cette ville très très vite afin d'éviter tout bavardage. Foudre! Ça ira? Merci, vieux. C'était la meilleure chose que vous puissiez faire avant que le vieux John ne le coince pour de bon. Je sais qu'ici, la vie de mon fils est désormais en grand danger. Qu'est-ce qu'il fait? Il en met un temps. Il a toujours été traînard. Il ne changera plus. Dave! Dave! Dave! Ça vous ennuierait pas d'aller le chercher? Mmh. Vite, va te cacher. Ouvrez, police. Ok, ok, j'arrive. Entrez. Un criminel a été vu dans le coin. On a un mandat de perquisition. Je cherche votre ami Dave, mais je pense que vous le savez. Je connais mon devoir. Comment t'as pu monter là-haut? Question d'entraînement. Allez, viens. Je pensais plus avoir à m'en servir jamais. On ne peut jurer de rien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce fameux Dave? Après tout juste un mois, le vieux John a réussi à faire sortir son fils de prison. Et Junior en a profité pour rechercher Dave qu'il voulait descendre. Un jour, on a retrouvé Junior mort, une balle dans la tête. Selon la version des flics, les empreintes retrouvées sur l'arme étaient celles de Dave. Le vieux John, à la suite de ça, a lancé un appel à ses chiens. Tu crois que ce Dave a tué Junior? Je connais Dave depuis qu'il est gosse. Et je suis sûr qu'il a rien fait. Qu'est devenue Barbara? La pauvre, c'était pas très joli à regarder. C'était une nuit. Je rentrais tranquillement chez moi et... Mmh. Franck, je suis dehors, j'ai encore des vérifications à faire sur une des bagnoles. Vas-y. Ah, bonjour, monsieur. Une chambre. Je vous plais pas? Oh, si, si, monsieur. Excusez-moi. Votre clé, chambre numéro 5. Par ici, monsieur. C'est Billy. Dave vient d'arriver. Chambre numéro 5. D'accord. Cherchez, les gars. Oui, monsieur Marlowe. Vos laquais sont morts et vous allez y passer aussi si vous n'avouez pas tout. Je sais beaucoup de choses au sujet de ce viol et des meurtres. Pour qui tu te prends, espèce de freliquet? T'as pouvoir dire. Mmh. Tu vois que t'as encore des ennuis? Non. Aucun problème sérieux. Je contrôle bien la situation. Et de plus, c'est pas tes affaires, t'es bien curieuse. Ouais, toi et ton business. Tu te fiches bien de moi en réalité. Pourquoi ne pas vivre comme tout le monde? Écoute, gamine. Ne mords pas la main de celui qui te nourrit. C'est pas prudent. Tu es une marlot aussi. Et je te conseille de ne jamais oublier ça. C'est pas vrai. Ici John Marlowe. Larson, je veux me charger moi-même de l'exécution de Dave. Ça suffit. Ferme-la. C'est moi qui décide. Il est à moi. Tu as compris? À moi. Dieu, qu'est-ce qui vous arrive, hein? Vous ne gagnez pas assez de fric, peut-être? La situation est loin de s'être améliorée. Parce que je ne peux compter que sur moi. Souvenez-vous, vous n'étiez que des chiens galeux quand je vous ai ramassé dans la rue. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Vous n'êtes bon à rien. Bougez vos fesses un peu, je veux plus vous voir ici. Cette fois, les gars, je veux les résultats. Suis-je assez clair? Bien. Foutez-moi le camp d'ici. Allez, montez. Poussez-vous. On se presse un peu. Ah. c'est moi, Cathy. Cathy, Marlowe ? Ouais. Qu'est-ce que vous avez décidé, finalement ? J'ai escompté que le fait d'avoir votre fille attrait votre décision. Dave à Cathy. Vous allez rester assis longtemps ? Trouvez-les ! Bougez-vous ! Vous imaginez vous enrichir de cette façon ? Mon père aime plus son argent que moi, vous savez. C'est pas son argent qui m'intéresse. C'est la vérité. La vérité au sujet de quoi ? Ça ne nous regarde pas. Pourquoi ? Vous êtes une Marlowe. C'est arrivé, boss. Ouais. Cette fois, c'est terminé pour lui. Ouais. Combien vous voulez pour cette vérité ? Je vous donnerai plus si vous me laissez partir. Taisez-vous. Descendez. Bonjour, monsieur Lab. Vous désirez ? Une chambre. Une simple ou une double ? Double. Eh bien. Ah, vous avez une très jolie femme. C'est vrai. Voilà votre clé. Merci. J'en ai marre de vos histoires. J'ai rien à faire ici avec vous. J'y suis pour rien si vous voulez jouer les justiciers. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, vous entendez ? Où me prenez pour qui à la fin? Je vais vous dire une bonne chose. Si, excusez-moi. Cathy, je suis désolé. Vraiment désolé. Bonjour, monsieur, je vous apporte le petit déjeuner. Cathy ont été repérés à TKT. Par-dessus le marché, il a descendu le mec de l'hôtel. Quel chien, lui. Boss, tout ça finira mal. Les flics vont s'en mêler. Ne me dis surtout pas ce que j'ai à faire, espèce d'avorton. J'ai toujours assumé l'entière responsabilité de ce qui se passait. Allez, retrouvez-le, et vite fait. Dehors! Des clients à satisfaire, quelquefois c'est si peu passager ici. Pourtant, le cadre est idéal, la montagne est à 10 km. Vous désirez quoi? Ne vous dérangez pas, on veut juste 2 sandwichs poulet et 2 cafés. Du poulet et du café, je vous prépare ça. Écoutez, tenez-vous tranquille. Vous verrez, c'est très bon. Avant, je travaillais dans un petit bar en ville. Seulement, j'y suis pas restée longtemps, vu que mon mari, il est du genre terriblement jaloux. Merci. Et votre femme? Tout va bien. Oui, oui. Regardez, la voiture de Cathy Marlowe. Venez, mon fils. Attention. Attention. Winston, qu'est-ce qui vous a raconté d'autre, ce Charlie? Vous savez comment est mort votre frère? J'ai entendu dire que Dave l'avait tué. D'accord, vous voulez la vérité? Mm-hmm. Je vais vous la dire. Le meurtre était un complot, échafaudé par votre père qui l'a mis sur le dos de ce Dave. Vous voulez dire que mon père a tué Junior? Steve, je dois dire que j'ai pas mal de problèmes en ce moment. Toutes ces histoires me font perdre énormément d'argent. Et je n'aime pas ça du tout. Ça traîne trop en longueur et c'est dangereux pour tout le monde. Faut régler cette situation au plus vite. Ce qui veut dire définitivement. J'arrive pas à coincer Dave et il refuse toute offre venant de mon côté. Et il a kidnappé ma fille. Salaud. Je lui ai donné une leçon dont il se souviendra longtemps. Il n'a su tirer aucun parti de la mort de sa mère. Faut qu'il apprenne qui est le patron, nom de Dieu. Maintenant, je ne veux pas savoir ce que tu vas faire, mais fais le bien. Et vite, je ne veux plus attendre. Et ça, c'est clair, je veux des résultats. Ouais, compris. Thank you. plus besoin de vous, Cathy. Vous pouvez partir. Profitez-en. Je préfère rester avec vous le temps que ça aille mieux. Vous êtes encore faible. Pourquoi ne pas aller à la police et tout raconter? Non. J'ai tué trop de gens maintenant. Allez-vous-en. Franck, je ne peux pas vous laisser. Cathy! Regarde discrètement. C'est la fille à Marlowe. Aussi relax que si elle sortait de la banque. Je vois ce que tu veux dire. Mademoiselle! Et alors, ma petite demoiselle, on fait ses courses? Thank you. Dave, si je t'attrape. Sale petite casse. Écoute, sache que j'en ai rien à foutre que tu le ramènes vivant ou mort. Tout ce que je veux, c'est que ma fille revienne ici, entière. Tu as compris? Allô? Allez, une minute. Votre fille. Allô? Allô, pa? Écoute, Marlo, ta fille est avec nous. Je te conseille de ne pas contacter les poulets. Pas par 50 000 dollars. Et tu retrouveras ta fille vivante. À propos du mec, où est-il? On n'en a rien à foutre, occupe-toi seulement de la monnaie. Et souviens-toi bien, surtout pas de flic. Mon cher Steve, on dirait que tu vas encore avoir du travail. Fais baiser en beauté, connard. Y'a pas un rond. Cathy, c'est ton père qui m'envoie te chercher. C'est terminé. Allez. Oh. Joli boulot. C'est tout ce que je vaux pour toi. Je t'en remercie, Marlo. Oh, bébé. Il ne pouvait rien t'arriver de fâcheux. Steve était là pour te protéger. Ne me fais pas croire que je t'intéresse. Tout ce qui compte pour toi, c'est Dave. Dave? Où est-il? Celui que tu poursuis n'est pas Dave. C'est ce qu'il t'a raconté. Que tu te fasses piéger, ça te regarde, mais pas moi. Je te prie de croire qu'il paiera son crime. Son crime? Ton crime? Ton meurtre? Je sais toute l'histoire. Ton junior, le viol. Arrête, Cathy, ou ça va mal finir. Barbara! Ça suffit! Charlie est la mère de Dave que tu as fait tuer! Arrête! Arrête! Criminel! Dans sa chambre. Ne me touche pas! Vous êtes tous pourris dans cette maison! Thank you. Qui êtes-vous? Bouge pas. Vous êtes sûrement le type que recherchent les autres. Marlowe, comme les poulets. Ils m'ont tous pris pour vous. Alors j'ai kidnappé sa fille. Fille de Marlowe, c'est ça. Où est-elle? En veut. Tu ferais mieux de te tirer avant qu'elle revienne avec de la compagnie. Elle ne ferait pas ça. Tu connais mal les Marlowe. Non, je ne crois pas. Charlie m'en a très longuement parlé. Maintenant, on est deux à faire face. Non. C'est ma guerre. Ça y est, j'ai la planque. Au sud-est de la ville, une maison dans la forêt. Franck. Oh. Miss Marlowe, votre ami s'en est allé. S'il vous plaît, ne tirez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Votre salaud de père. Thank you. couvrez-moi! Le salaud, il l'a eu! Envoyez les lacrymogènes! Suivez! Je sais que tu veux ma peau, mais si tu respectes la loi, écoute bien ça. Marlowe, il est grand temps de tout avouer. Tu as tué ma mère, et aussi ma fiancée et mon meilleur copain, sans oublier ton propre fils Junior. N'en croyez rien, Larson. Tout est inventé. Tout est faux. Larson, j'ai un témoin de poids. Papa, dis-leur la vérité, je t'en prie. Tu sais bien que Dave a raison. Jamais!

face. Try to spot me, then change.